Eh bien, le réseau social Facebook s'associe à une trentaine d'organisations mondiales pour prévenir le suicide et on en discute avec Patrick Dion, auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Bon matin. Alors, c'est une initiative pour venir en aide, entre autres, là, à nos amis facebookiens qui lancent un cri de détresse sur le réseau social. Ouais, ben voilà, je savais pas, mais le mois de septembre, c'est le mois international de la prévention du suicide et la journée internationale de prévention du suicide, c'est le 10 septembre. Je l'ignorais complètement. Et pour souligner l'occasion, Facebook a donc conclu justement un partenariat avec 33 organismes de prévention du suicide autour du monde. Ils vont faire circuler un message d'intérêt public sur la plateforme. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Ça devait être cette semaine, mais je ne l'ai pas vu passer. Mais ils partagent aussi une infographie qui illustre où les utilisateurs peuvent obtenir les ressources nécessaires et soumettre un rapport à Facebook pour aider quelqu'un qui est en détresse. Donc, si jamais on voit un statut là, qui pourrait laisser présager... Exactement, d'un ami qui n'arrache, mettons que tu as juste peur qu'il fasse des niaiserie. À ce moment-là, il y a trois façons de procéder pour avertir Facebook de ça et que Facebook, d'une certaine façon, s'en mêle. Donc, la première façon d'accéder à ça, c'est que tu peux faire une recherche dans la barre de recherche pour le mot « suicide » et ça devrait t'amener dans la section « Aide de Facebook ». J'ai fait l'essai et je suis arrivé sur la page des Suicide Girls. C'est pas du tout la même chose. Ça a pas beaucoup un groupe de musique ou... Non, pas du tout. C'est des jeunes filles en petite tenue tatouées. D'accord. Ben, peut-être ça peut remonter le moral de certains. C'était pas le but. C'était pas la recherche visée. Une autre façon de se rendre, il suggère de cliquer sur le X d'un statut dans le coin supérieur droit pour avoir accès à l'option Report. Malheureusement, dans la version française, c'est très difficile de trouver son chemin puis de savoir exactement où il faut aller, où il faut cliquer pour soumettre ce rapport-là. Donc, moi, ce que je conseille, aller directement sur la page facebook.com/help et à partir de là, vous avez juste à cliquer sur signaler un problème et toutes les indications sont là. Ce que Facebook va faire, en fait, c'est que Facebook va envoyer un message à l'ami concerné en lui suggérant des sites d'entraide et va aussi envoyer un message à la personne à qui il a soumis le rapport pour dire à quel endroit, l'autre internaute a lu le message, s'il a fait une demande d'aide ou, en tout cas, il va donner un suivi à cet ami-là. C'est une initiative intéressante de Facebook parce qu'on l'a vu ces derniers mois, des gens qui ont lancé des cris de détresse et finalement, certaines personnes ont été écoutés. Certains ont eu le flair, ont pu déceler le message de détresse à travers le statut Facebook et ça a mené, enfin, on a pu sauver des vies. D'autres fois, d'autres se sont suicidés, mais je comprends que Facebook se sente interpellé là, parce que c'est devenu une nouvelle place publique un peu pour lancer un cri de détresse là, dans ces statuts-là. Ouais, ben en fait, j'apprenais que selon l'OMS, il y a 1 million de personnes qui se suicident à chaque année. Mm-hmm. C'est immense, c'est énorme. Puis, on sait que la cyberintimidation est omniprésente sur Facebook. Je trouve ça le fun que Facebook a osé au moins se rendre compte qu'il y a un problème puis tenter d'apporter des solutions quand même. Un nouvel outil de conversion de fichiers en ligne fait son apparition et ça, c'est intéressant. Je pense que ça va intéresser bien les auditeurs quand on veut transférer un fichier sans avoir un gros programme sur son ordinateur, que ce soit de WAV à MP3 ou de MPEG à QuickTime, peu importe. Il y a donc un outil en ligne pour se faire facilement. C'est pas du tout dans le même temps. Puis des fois, peut-être vous avez essayé de convertir des fichiers et vous avez envie de sauter en bas du pont parce que ça fonctionne pas. Non, mais il y a plein de petits programmes qu'on peut télécharger sur le web pour transférer, mais il y a toujours des publicités qui viennent avec ça, des spyware qui s'installent, c'est pas toujours efficace. Des fois, c'est des options on vous dit, on va transférer 40% de votre fichier si vous voulez le 100% payer. Donc là, c'est une option qui est gratuite? Ben oui, absolument. En gros, ce que c'est que ça s'appelle Cloud Convert et ça supporte 140 formats différents, que ce soit justement, comme tu le disais, pour de l'audio, de la vidéo, mais aussi pour des fichiers en bureautique comme des documents Word, Excel, même des documents OpenOffice. Moi, j'ai fait le test avec un document OpenOffice que j'ai transféré en PDF. Ça fonctionne hyper bien. L'interface est simple, c'est rapide. De la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que tu choisis tout d'abord ton fichier dans le nuage, sur Dropbox ou Google Drive, par exemple. Tu choisis ton format de sortie et après ça, ton dossier de destination, toujours dans le nuage. Et pour convertir mon fichier PDF, ça m'a pris quelque chose comme peut-être 5 secondes. C'est vraiment hyper rapide. Ça fonctionne super bien, comme je disais, et le site, en plus, est accessible à partir d'un appareil mobile. C'est pas le premier site de ce genre-là. Mais le fait qu'il supporte 140 formats différents, c'est vraiment hallucinant. Des fois, par exemple, on veut juste convertir justement un WAV en MP3 ou puis ça le fait vraiment automatiquement et de façon super rapide. Le seul bémol, c'est que ça se passe tout dans le nuage. Donc, si tu as un fichier sur ton ordinateur, que mettons que tu as un fichier cinéma, film, que tu veux transférer à un fichier plus compressé, plus petit, mais il faut que tu le téléverses sur ton Dropbox pour pouvoir le convertir et après ça le ramener sur ton ordinateur. Fait que pour des fichiers qui sont très gros, comme justement des fichiers vidéo, c'est plus fatigant parce que, je veux dire, juste le téléversement peut prendre 5, 10, 15, 20 minutes. Là, c'est, oui, au moins. Mais sinon, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, cloudconvert.org. On va évidemment glisser les liens là, sur notre page Facebook des Oranges Pressées à la fin de la chronique. Et pour les passionnés de publicité, et j'en suis, publicité marketing, il y a une nouvelle télé-réalité sur le web là, qui porte sur, justement, l'univers de la pub. Oui, mais en fait, on dit télé-réalité, on devrait appeler ça plus une web-réalité. Oui, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes. Mais ce coup-là, c'est InfoPresse qui vient de se lancer dans cette nouvelle web-série-là qui s'appelle La Grande Idée, où deux équipes de 7 publicitaires provenant de différents employeurs s'affrontent durant un week-end pour créer une campagne complète pour un client dont ils ignorent l'identité. Donc, le premier épisode a été mis en ligne plus tôt cette semaine. On découvre l'enjeu de la web-série, les candidats et leur équipe respective. C'est vraiment, c'est très bien tourné. Le contraire m'aurait quand même surpris, là. Mais les gens sont à l'aise devant la caméra, même si c'est pas des comédiens ou des gens qui sont habitués à ça. Et je trouve particulièrement audacieux le mélange, justement, des genres différents, de prendre des gens de Toxa ou des différentes compagnies, mais surtout, de faire travailler ensemble dans un deadline si serré, parce qu'on sait pas si justement ces gens-là s'entendent, là. Puis le fait aussi que, ils savent pas juste qui est derrière cette campagne-là et pour qui. Ça amène vraiment un ton particulier à la série. Fait que c'est pas la première fois quand même qu'InfoPresse lance une web-série. Ils sont essayés une couple de fois, mais celle-là devrait aller chercher un public autant de professionnels du monde de la publicité, des gens qui aiment ça comme toi, mais aussi des néophytes comme moi qui connaissent pas ça, qui est pas nécessairement porté à écouter des trucs là-dessus. Puis je pense que ça devrait lever quand même pas mal. Le nom? Ça s'appelle La Grande Idée. C'est sur InfoPresse.tv. Merci beaucoup, Patrick Dion. Hey, bonne semaine.